Avec François Raveau, professeur à l'école de médecine et à l'école pratique des hautes études, débute la seconde partie de la journée, l'aspect psychosociologique. Il aborde la place du bruit dans la nosologie psychopathologique. François Raveau. Je m'occupe de deux publications qui sont anthropologiques et psychiatriques. Et nous nous étions posé le problème de faire des numéros spéciaux sur pathologie mentale et bruit. Pour préparer la question, nous avons consulté toutes les banques de données qui étaient existantes sur les travaux qui ont pu se faire et les certitudes qui peuvent émerger de ces travaux depuis quelques années. Et nous nous sommes rendus compte que la notion de bruit était évacuée intégralement de la nosographie psychiatrique. C'était quand même une certaine perturbation parce qu'il y a un discours sur la gêne, les nuisances, les désordres, choses qui finalement, est-ce qu'elles existent vraiment ? Ça va donc nous poser le problème de la récupération du bruit par les personnalités et par les institutions. C'est, si vous voulez, un discours qui va un peu abandonner les certitudes d'une certaine science pour entrer dans une glose qui sera évidemment assez suspecte, parce que là, nous allons faire des systèmes d'interprétation. Et là, la seule garantie, c'est que nous pouvons nous baser sur un certain nombre de recherches qui ont été entreprises sur personnalité et plainte. C'est-à-dire, en face d'une même source de bruit, certains vont se plaindre, d'autres ne vont pas se plaindre. Et on va remarquer également qu'un type de nuisance bien défini va être interprété de façon bien variée. En même temps, nous allons évidemment revenir à un certain nombre de recherches, par exemple, qui ont été menées autour des aéroports, où on a essayé d'établir si les bruits produits par les moteurs d'avion avaient sur la santé mentale des sujets un certain nombre de répercussions qui seraient quantifiables. Alors, on n'en a pas trouvé, mais par contre, on a trouvé des personnalités qui, elles, étaient tout à fait susceptibles de reconnaître que cela avait une répercussion sur leur santé mentale. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une mobilité de population, qu'il y avait des conduites d'évitement de certains sujets et au contraire des conduites d'installation d'autres sujets. Et à ce moment-là, on se rendait compte qu'il y avait des structurations de collectivités de quérulence qui développaient un discours de revendication. Mais si on pratique des examens de psychométrie variée, on tombe toujours sur des personnalités qui sont qualifiées entre guillemets, de fragile, prédisposé à récupérer le bruit pour traduire un mal-être. Et si on va plus loin, on ouvre à ce moment-là le débat et on va venir sur les vecteurs intermédiaires, comme par exemple le sommeil. Si nous examinons les hypnogrammes de sujets qui sont soumis à des bruits parfaitement quantifiés, nous observons également que les capacités de sommeil des sujets vont être perturbées de façon différente et que les perturbations vont pouvoir entraîner des troubles du comportement, d'allure dépressive, et nous allons avoir des sujets qui vont se trouver quasiment en privation de sommeil. Là, nous allons pouvoir rentrer par l'intermédiaire de cette interface sommeil entre bruit et comportement dans une psychopathologie du bruit. Il y a un deuxième niveau, c'est que si nous développons des sources sonores importantes, il est quand même admis que l'on obtient des presbyacousies précoces, des difficultés d'accommodation et des difficultés de l'audition avec des chutes dans la perception de certaines fréquences. À ce moment-là, on arrive à décrire une psychopathologie de la surdité. Et elle produit elle-même une psychopathologie dans laquelle le bruit sera incriminé dans une certaine limite. Et là, on pourra encore, entre les intensités, les qualités de bruit et les résultats, obtenir des indications. Mais ce sont des indications quand même bien fragiles, parce que tout le monde n'aura pas pour le même bruit les mêmes problèmes d'accommodation auditive, etc. Et on va encore tomber sur des aspects, des typologies à établir de capacité d'absorption du signal sonore par les individus. Et alors ensuite se pose un autre problème. M. Bruy a donc découvert que lorsque on fait de l'information, c'est au fond, on fait un appel à dénonciation, à la vindicte, au lynchage de ces sources sonores que jusqu'alors on n'avait pas tout à fait reconnues et dont on n'avait peut-être pas même pris conscience. Mais les propagandes pleines de bonnes intentions de ce bon ministère qui explique qu'on est soumis à des pollutions sonores épouvantables, que ça gâte la qualité de la vie, et me semble nettement corrélée par une très forte augmentation de lettres de dénonciation, d'informations qui sont ouvertes, etc., et qui font très spontanément une espèce de procès de la société qui elle-même, disons, allume le circuit. Et ça, je crois que c'est un phénomène qui rentrent dans ce qu'on pourrait appeler des psychopathologies collectives. Mais attention, là encore, c'est un jugement de valeur dangereux, car toutes les associations de défense des riverains d'autoroutes de différents aéroports ne sont pas encore des psychopathologies collectives. Et nous rentrons dans la même ambiguïté que nous retrouvons en psychiatrie lorsque nous avons affaire à ce qu'on peut appeler les comportements paranoïaques. La notion de persécution qui va produire la plainte, et la notion de persécuteur qui va produire la recherche du bouc émissaire pour toute une série de troubles dont on va réellement souffrir. À ce moment-là, on se rend compte que des différentes formes de mal-être que notre société ou que des conflits individuels vont produire vont regrouper des gens qui partagent des mêmes convictions ou des mêmes intérêts et vont produire des comportements qui, si on définit la santé ou la santé mentale avec les critères de l'OMS, va donc renvoyer encore une fois à la sécrétion de nouvelles normes d'appréciation et d'indicateurs. Alors là, on revient encore dans une autre forme d'ambiguïté. Je pense que le meilleur des écologistes est celui qui avait vraiment bien senti que ces bruits étaient producteurs de sens. C'est quand même Kafka, c'est quand même l'histoire de cet animal qui, pour se protéger de toutes les nuisances, construit un terrier parfait, et lorsqu'il a terminé, il se met dans cette certitude pour tout simplement entendre un autre bruit qui est son bruit à lui, et qu'il ne supporte pas. Et je crois que c'est peut-être à travers cette histoire que vous avez à décréter s'il y a de la psychopathologie ou pas dans le fait de s'entendre vivre.